Moi, je ne pourrais pas m'interroger, parce que je vais vous dire des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Mais non, mais au contraire, ça m'intéresse. Pas du tout. Ah non. Mmh. Non, c'est pas parce que j'étais d'une époque. Non, attention, c'est tout à fait différent. Hein. Ah bon? J'étais d'une famille lycée, c'est normal. Moi, de mon temps, de notre temps, on ne demandait pas la vie aux enfants. Hein. Mmh. Ils parlaient, tu feras ci, tu feras ça, puis tu prends chose, je n'ai rien à dire. Mmh. Alors, vous voyez, hein, c'est des histoires de. Mais je dis, oui, ben, le... pourquoi ? Même ma plus petite, ah, c'est de sa vie. Ah,